Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Hint en Brezonnik, kent-elle Perhan Pem? Pemze Katrugen. Ja, Perhan Pemze Katrugen. C'est en inier. 475 en français. Voilà, 475, il va falloir qu'on commence à préparer la 500e, Henri. Ouais, ouais, feu d'artifice, ouais, moulin rouge, tout. Oui, oui. Oui, oui. Alors... On commence par Guerrier-Vue, Eric. Guerrier-Vue, oui. Alors aujourd'hui, je pensais parler d'un mot invariable, qui est Ouspen. Ouspen, qui veut dire plus, davantage, voilà. Et donc, c'est une vieille racine celtique, hein, qu'on retrouve aussi en gallois et en cornique, et qui est donc « ous », qui veut dire « contre », quelque chose qui s'oppose, hein, et bien sûr « spen », hein, qui veut dire « plus hein. ». Il y en a qui disent « spen », enfin, ça s'écrit « spen » parfois. Oui, « spen », et nous, on simplifie tout ça, dans le coin ici, on dit « spen ». Spen. Alors, dans le Guenedour, ils disent Ourpen. Ourpen, oui. J'ai entendu Jean-Claude Ruyette l'autre jour à une émission avec Jean-Pierre Guader et qui dit Ourpen, quoi. C'est pour ça qu'il y a un ZH au milieu, quoi. Voilà. Nous, on dit Spen, hein, pour dire tout ce qui est en plus. Donc, c'est une abréviation, en fait, hein. Par exemple, Spen de Glaso, on en main, hein. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici, hein. Spen o nasen zo handen Martin. Il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Ouais, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Voilà. Spen de Glaso, on en main, Meuslard, hein. Spen oui ou arendrasé. Il y a plus que toi qui sache cette chose-là, quoi. Oui. Ouais. Ça peut se dire, ça. Oui, oui, oui, oui. C'est quand il y en a qui se la ramènent un petit peu. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Spen hui war and drasé, oui. Oui, oui. On aimait bien comme ça quand il y a des gens qui se vantent un peu, les rabaisser un petit peu, quoi. Voilà. Spen kandin, ouais, non, il y avait plus de 100 personnes. Hein. Spen iskand dut. Alors, spen kand. Alors, quand on a din derrière un chiffre, ça reste au singulier, sauf si on met le petit a entre les deux. Iskan du de wa, bah homis ndl, bah angeli, par exemple. Hein, voilà. Spen pemkan du de wa, bah ilis bulad ndl, vie de noverne, hanter nonce. C'était pas tout à fait une messe de minuit, mais c'était une messe en breton. Voilà, Spen o nasen zo handen Martin, hein. Ça je l'ai déjà dit, hein, mais ça fait pas de mal de le répéter, hein. Voilà, ou Spen en ouer lufre, hein. Il y a plus que l'or qui brille. Ah, oui, ça se dit régulièrement. Un proverbe, Tei ahuen ala bur uspen, donc fume et bine. Et travail en plus, quoi. C'est-à-dire, pour obtenir une récolte, il faut à la fois travailler le sol, le fumer, et puis travailler dur. Donc, ça veut dire que la terre ne donne que si on s'en occupe. Voilà. La terre n'est pas toujours facile à servir. Oui, voilà. On a aussi, alors, des dérivés, Ouspense, hein, très, très courant. En plus de ça, et là, on a tendance à prononcer Ouspen, hein. Ouspense, hein. Ouspense, me stroke de l'arde, hein. En plus de cela, hein, davantage, quoi. Éric Marchand avait appelé une des Kreisbreis Academy, ah, Ouspendausek. Oui. Ouspendausek, plus de 12, oui. Oui, je me souviens de ça, oui. Oui, oui. Donc, Ouspen, hein, voilà. Ouspense, Ouspense me sclève, hein, par exemple, quand on a une information, et puis en plus j'ai entendu ceci ou cela. Ouspense me sclève, hein. Voilà. Ouspense me zézambonde de Zambrieux. En plus de ça, j'ai besoin d'aller à Saint-Brieuc. Voilà. Donc, une expression qu'on trouve très souvent, mais qu'on entend rarement sous sa forme complète ici. On entend Spen. Spen, voilà. Ou Spen. On en reste là pour Ouspen ? Oui, pour Ouspen, oui. Et on passe à la seconde partie. Oui, parce que Karl Zedrad est là. Allez, Brezon Nectan Matan, dans un tout petit instant. Brezon Nectan Matan, et on continue avec Henri dans le cadre de Hentar Brezon Nek et dans cette rubrique de découvrir les rimes. On a fait les rimes en ek la dernière fois, Henri, et cette fois on change. Oui, alors on va continuer à circuler un petit peu, à faire une petite promenade dans les rimes. On n'épuisera pas le sujet parce que sinon on épuisera les auditeurs. Hein, donc, parce que c'est un sujet presque sans limite, hein. Et si on voulait traiter ça correctement, il faudrait faire un dictionnaire de rimes. Voilà, peut-être que on pourra faire ça un jour. Alors, des rimes en haut. Alors, en haut, il n'y a pas énormément de mots qui se terminent en haut, sauf les verbes au futur. C'est bien pratique. Parce que là, on a tous les verbes qui peuvent servir de rime, hein, avec le futur. Mais autrement, on a quelques mots, mais qui sont des mots très employés, hein, comme par exemple bro ou trop, trop le tour. Hein. Donc tour, trop c'est tour et endro le tour. Hein. Voilà. Il y a endro aussi l'environnement maintenant. Hein, voilà. Et bro, bien sûr, c'est un des mots les plus employés. Par exemple, dans une chanson, on dit « Oh, braisis, hello, kerenvro, quadani, reis, morenisro hein, ». Le plus beau des pays, avec du bois au milieu et la mer tout autour. Alors, quand on parle des rimes avec des futurs de verbes, par exemple, dans la chanson du Nouvel An, « Maor content ni gano, amanor que nimzi hano ». Donc là, on fait rimer deux verbes. Si vous êtes content, nous chanterons. Et si vous ne l'êtes pas, nous arrêterons. Donc on fait rimer deux verbes, c'est très facile comme rythme, hein. Comme rime et comme rythme aussi. Voilà. Alors parfois, c'est l'infinitif qu'on fait rimer. Alors l'infinitif ici, les verbes, en général, l'infinitif en « o », mais en breton unifié, c'est en « an ». Par exemple, « quand an », hein. Et nous, on dit « quand en o ». C'est ça, c'est un infinitif. Ben oui, moi, je l'ai vu souvent dans des chansons et je me dis, c'est bizarre, c'est pas un futur. Non, non, non, non, c'est les infinitifs. Et c'est spécifique ? Ah ben, c'est le centre-Bretagne, quoi. C'est le Kreis-Breiz, hein. Donc, mais qu'il n'y aura pas en breton unifié, où on fera du AN ou... On mettra « quand en an », hein. Voilà. Alors, par exemple, dans la chanson du Venaval, hein, onze oies errant noëne zo bed bas evro, neus lac d'ali scalze du de gano. Alors là, ça marche puisque c'est la prononciation du centre-Bretagne. Voilà. Et puis, un autre exemple, par exemple, dans la chanson de Jean Derrien, Martelot de Yaudet, hein. Deux ans de père, mille laro, d'igorétine no, mirec et mondor, on tombe trop, du honloir border mour. Donc, laro, hein, c'est le futur de dire, hein. Voilà. À Saint-Pierre, je dirais. hein, ouvre-moi la porte, il faut que j'aille faire un petit tour, alors trop, qui rime avec l'aro, du rond noir bordé en beau, voilà. Alors, il y aurait beaucoup d'exemples, hein, de rimes en haut, comme ça, mais en général, c'est toujours sur le même principe. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Des rimes en L, EL, des mots qui se terminent par L. Hein. Alors, il y a, par exemple, des verbes comme mervel ou sevel, hein, mervel, mourir. Hein, on trouve souvent ça dans les cantiques, dans ceux qui sont pas très oléolés, là, pas très marrants. Voilà. Alors, sevel, alors sevel, c'est un mot très riche, hein, qui veut dire construire, lever, élever des animaux. Enfin, c'est très très riche. Voilà. Zantel, par exemple, un adjectif très répandu dans les cantiques, bien sûr. Hein. Avel aussi, sous ses formes à la fois sens propre et sens figuré, hein, au sens le souffle, l'inspiration, enfin bon. Castel, très souvent aussi. Hein. Il y a souvent des châteaux dans les chansons, il y a souvent des châteaux hein, dans les contes aussi. Hein, voilà. Mevel, hein, le domestique, hein, le valet, quoi. Voilà. Et Zantel, je l'ai déjà dit. Et Breizizel. Alors, Breizizel, il y a plein de rimes avec Breizizel. Hein. Breizizel, c'est la Bretagne, mais dans les chants, ça a tendance à être... Enfin, normalement, c'est la Basse-Bretagne. La Bretagne qui parle breton, mais dans les chants, souvent, c'est la Bretagne en général. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de chansons sur où on trouve Breizizel. Breizizel, Brodispar. Un pays sans pareil. C'est vrai, c'est pas de l'avantardise, hein. C'est tout à fait vrai. Alors, des rimes maintenant, des rimes en N. Alors, des mots en N, hein, y en a pas mal. Et par exemple, il y a une chanson, Pewadizor Ganaden, Wedom Doudor Waskaden. Et là, il y a plusieurs rimes en N qui succèdent. Hein. Bon, puis on dit Zor Waskaden ou un même bon Dow de Ledaden. C'est une histoire de lessive. Hein. Quand la lessive a été terminée, nous sommes allés donc presser le linge. Quand le linge a été pressé, nous sommes allés l'étendre. Hein. Et puis on dit Zor Ledaden ou un bon Dow de Disholien. Hein. Quand on a mis le linge à sécher, on est allé à l'ombre, et puis après, évidemment, il se passe ce qui doit arriver, puisque c'est un homme et une femme dans cette histoire. Voilà, voilà, la lessive se faisait en couple. C'est plus le cas, c'est dommage. Ouais. C'est un plaisir solitaire maintenant, la lessive. Ouais, ouais. Voilà. Alors, autre rime, alors par exemple, un nom de ville, un Rostrenin, Rostren en breton. Donc, il faut trouver des rimes. Et dans le cantique, par exemple, on fait un Itronvaria Rostren, un très beau cantique, hein, qui était écrit en français au départ. Hein, au 19e, il était chanté en français. Il a été traduit par le recteur de Melcaré vers 1113, en breton, quoi. Hein. Et je pense que la traduction est nettement meilleure que l'original, oui. Itronvaria Rostren, chanté par Anno Fred, c'est une pure merveille. Voilà. Et donc, il fait rimer, Rostren avec Peden, voilà. Alors, dans les rimes en N, hein, il y a beaucoup de noms de métiers qui sont en yen. Hein, beaucoup de noms de métiers, par exemple, guadérien, un tisserand, kemenérien, des tailleurs d'habits, hein, parce que les tailleurs, autrement, c'est kizélérien. Ah oui, tailleurs de pierre, oui. D'ailleurs, dans l'état civil, c'est toujours précisé tailleur d'habits pour le métier. Voilà, sonérienne, glowérienne, hein, les charbonniers comme ceux du Faudel, par exemple. Il y a une très belle chanson sur glowérienne or Faudel. Voilà, toérienne, les couvreurs. Voilà. Et puis, dans la chanson du jour de l'an, Tréni Genagenhausen, Warorgué les plus à Vouen. Ça en rime avec Vouen. Voilà. Le foin. Voilà. Eh ben, la prochaine fois, on terminera sans épuiser le sujet, mais en évitant d'épuiser les auditeurs, on terminera cette petite balade dans les rimes. Bon. Et on passe à Pétrazonné-Vervaux avec Henri Le Naou. On prend des nouvelles du pays avec Henri Le Naou, Pétrazonné-Vervaux, Henri. Ben, calze drogues au neve, boerve, je dis aux hommes. Krogom, velkis, accustum, grande la bourdouar, hagen, revu et war armes. Échu et vraiment un nom, hagen, vraiment ban, dis carambs. Nevesso, mais elon bars. L'art ve, bavro, ou aller pardon de bulat de spep tout le tagouat. Aguir et de blanc meroise en drasé gouscoud et ne que te glem réol vidor froton de pevegwel le pesamo de ve un trou balerhel gan gorvante nous avel vol harné d'urbain sa bob sort trouel a grand me mestrave et chou le namza après sti que tay un namza que pier hulz ma peswan de zerier maïs a ge betraves a hervé clède et ker maïs hein, ouais, le rand bavro et ker maïs, bon, spimus vos bras en amser, un moyen désert inan, et bréol le labour, réol le bir. Bon, pv échu, non, pv mberu, ben discar amser on tombe, ve mar et homiso, a gendel, ou abé de homis bazangeli, a calze dut zobid, mesang zobid spenéis quand de dut, bah, homis, a calze londe zobigwel le dénan, ag calze diezeg, hein, de dristol ou a tiezeg, hein, ag bon, un dud ou a content de bon peu sortre ou a concours labour ou a gonoreio ou ag concours très douar, hein, ag pe haoui a douar. Bon, c'est tu zobe calze dud, ba homis ba jangeli. Ah ba, ba, roison de zobe ne vaisseau, salons, rendez pas, ne peut se commis bras, hein, bras en vide commis jangeli, mais de, blanc menus que bédigora du refici et le bête. La croix une trop hib, hib igora du refici, le putur ou à ang de garde heureuse, putur zo, on en cas de ne spondus en mar et mang en mar à de mort, à mar à de l'aise, à trop elle roise, à bénéfine et bête chouloir en trop, à ne s'gale de, ministre là pour douar dont torondro n'est que de d'un détient tant gotayeuse on tombe de fait bête choule d'un trou à gébé de horon tombe trop même manouak de grand entier louma du roi d'achene amzor de zone là pour douar bon ni wak calze dra de bromet y avait je m'en voir vu là de zobé d'ivé hein avec RKB ou à bah voir vu là de pardon day je vois un peu ce que je veux dire, voir, voir la radio. Ils ont bête calze dud à calze diezeg. Vel bé plan. Bon. Bah, mûr, ou un névesseau, vel bé plan, ouas. Bois très grand de l'assaut, hein. Au revoir, à zo rang, de biozone. À gare, je vais dire que calze drau d'un dud, disquez de calze drau. Voir, bon, pésvé grède, vide labour à de, douar, un or modèle. Ag bon ar diden d'un dut vid gant un douar gant un bouet bio l'arbour douar bio bon diden d'un dut gant un bouet bio ag l'arbour douar bio mais gouskoudin n'y a que kaz war rog un trou war an dachens bio a l'ar ad vige be redmond betagug un dregan de un douar labour d'un bio ag ne ce que met tripéber dragon was quand c'est la gual vous n'y en trou wardash en endro tostera un an un aime votre bidel vos hand vote de hob 21 puis hob au nom noir du magar et d'une prison ag vos zivo ba ba fine blanc agas de vos gual tout de scals stade ou automne ag ma 13 vos grain on t'emmène glaive war ce que l'amzer. Mais n'est que sûr, hein, plus dur, bonne, n'est que bras la catou d'un tude, du grand pisse au moyen d'or et vide gouela d'un trou. Bon, dans bon temps, voir d'acheneur politique et res. Bon, n'est-ce que gual belzo, moi l'art et d'homme, quand bah, me chronique énorme, wabekov et on aime glaive, quand on aime zavérienne, de l'art aidé, réseau classe, hadze et velbreis. Bon, divise doit bégantez et velo liste, ne vide, vota dégoût et rendez-vous, vos ba, ba mystères, agaba peine liste, wa, rendez-vous de Christian Troidec, mère Carrez. J'y was, ne ce que pas de pelle, n'une vanille, estrenam zéverienne. Plus dur, bon, un trouzoé de dreuse, vous n'y soir. Ben, n'udébé, bon, n'udébé, zoé tude, zo in up de enfin zo vide le drian a réel a gazo vide trois deck penobras drevras zo vide le drian a gure vu nu zo vide trois deck bonne c'est tu mon zo heureuse banaf bonne astrolat partie breton zo aide mais ivé a zo rondor listen onisnel hein quand tu d'el Agastro la brésistance au rond d'or listen gan gan Gael Roblin vos bapen à cet humain nems averien vélo vanden la clujure il y a dreusker bonne bénéfine bonne zezo au vejois pe au vejouspen vos roi d'or mode de jacobine de mossé des osures jacobine de Gwen, Jacobine Rup, et Jacobine de ce vosen du, mais Jacobine Bopet. Ag de ce nems averien, zio arno que inhibe de, ba husul. Bon. Triste un temps, mais, n'est que dans un du, dans un lac ensemble, zo, vidorvech. Bon. Ag, bon, grand oré, chombo, de, ton oile, de haloupa, oile remote, vos grès de premier sous de retourne, d'un. Ag promesse ou vous en quoi d'un déwaler votade velkiz a custum. Bon, dans mon temps, vraiment, wardash un zévenadur. Un DL ou abba bulat, pardon, bulat, comme je me de se voir, mais voir ve de lune, ag pardon ve de zul. Ag pardon de bulat, bon, zobid, ker blanc, plus dur, pardon de bulat ve gred, Zul ou aller, gwel, gandidig zo weres. Ag, gandidig zo weres ave lidet de neiz viz gwengolo. Balesquad gwarek da square vegre d'or pardon an desem. Babulat vegre de zul ou aller. Ag, bon, as zo bet kal ze dut, ba pardon bulat, de zad an denonz ou a tos de bem kan dut banilis, pu dur waget an avern an brezandek. Ag eskop zambri e galandreger ou a deut, A rien sautis qui brisant de gadis, c'est là qu'un an de, d'implijon temps, pis le disque de bahentelio brisant de. Bon. N'est que pardon de bulle à de nangdius en bavro, de bablas, banor bla, plus dur, ou à l'air, verroise, pardon l'intre varia lojou, ma treize peu sclève de, général Budet au comble de Zé ou à RKB, des vaisseaux. Ag, ivi, vezo pardon de bot, ve waler, zul waler, ve pardon de bot faux, ba boule vriac. Ag, zul waler, ras, bon, on an de ze redi, ou an de ze pardon yo, ve gred, ba quan mel, ve hang, ve de pardon de pire. Ag, plus dur, ve, houls de zibi pire, ag, de commence planto, goui pire. Bon, Hindel, Marcel Guyouz, zo ranave maad bavro, hag arman hont de vous dinor, de prestig, pu dur zo ro etan, pe sa mo de, haun de marreg narz ou ker, hag lenegas, hein, chevalier des arts et des lettres. Hag bon, zezo d'ondra mérite, gantan ka Marcel la bourre calze et vide diski d'un du de canon à Dreistol quand a dis quand mais quand ne bose y vient ag bon on a vraiment des ba ba RKB puis dur et président d'Inor a his au mesquerie à wa de zendian tant tout pe wa becrou de RKB an es la bourre calze vide RKB à comme ze dalis ba RKB ag bon c'est tu là on gour aimer nous de Marcel Guy ou sa chance dans de Zerel war il a bourre Kellen. Hunter Kahn Lasso, Wyatt Nanan, Scrivagner, Charles Priel. Il Hound ou Virion et ou Charles Tremel, mais de non le Scrivagner ou Charles Priel. Agahis ne se bécrive qu'al se droit ou pésio roir, il romanche ou. Un tom lever ne scrive de Mesamic Bué, Agahis ou lever avait fait bémat, rey de tout de riz. Zotis qui l'aine à scrive en braison, plus dur et grec en braison que S de l'aine, à que braison de guillard. À que bon, sais-tu, on tombe lever à zo, avait fait bémat de la cadre très d'awarner et Zotis qui braison. Ne ce que Pelzo, ou à être nanan ou le honneur Guy Béard. Guy Béard, honneur à Bligé d'Incals, jonge meus péwa deuil des. I gano wen me pe wabed im bande di gano wen lovi ze waban bla eiz a hanter kan dous de glam wa de huls a wen balise ba paris de huls balise ze wao au piano a vi j'aime tout de grand phare de hanon mo classe zone lovi wa piano quoi ding dong ding dong ding dong dong dong dong dong dong dong deno a gagné tout d'un du de Hulse au Vigier 8 lasé, qu'à de Hulse au Vigier 8 et l'être calse, labourer et un honte de l'arbre, 8 lait, a gagné tout d'un du de 8 lasé, quoi. On va, bon. A gagné, bon, vraiment, il y a de nanan, mais chôme des, à quand on a Noël, ne se grède, hein, que, à Zolian, me gagne, avait fait bémol de Hermar et Montvel, le grand chambardement à tout d'un. Bon, quand je gagne win, on ne se bégrait on dîne à gagner mal, bon. Hugen Vlasso, pélar in mal, il y a Hugen Vlasso, Vigier Clève, Douar Wagen ou RKB, Penad ou Combs, gagne, Yann Herveillon, Hanve de Vigier, Bibsun, Vigier, Penad, c'est. J'y vais de Montgeloire, n'est-ce que c'est? J'y vais de Montgeloire, il y a. Ag, bon, Zézo, ya babla pems de Gaperugen a babla Ruiz de Gaperugen Hugen Lasso ag vejo radlen anze a ezoué zus gwel pesamod oas clair menoz you yann orveillon a pesamod waguir peslar et radkav meus da skwer pesni oa begret ba mis her et de blas Hugen Lasso ag gante de ze kuden oa labour douar de skuden oa nendro de scuder nous Chris Brace ag gaffe de nul ma vie j'ai bien rattrapé vraiment mais fait que bezou d'une bête non non rugen là a was calse drous ou edouard a was ad boy sais-tu bon sais-tu on tombe de ce pessonné ve bavro ben ve gel volar a droite qu'est-ce qu'il y a tiens en ve gel morgane